À l'occasion de la Journée du Soleil, fête nationale suprême, le Parti du Travail de Corée a envoyé les présents aux enfants des écoles révolutionnaires, comme l'école révolutionnaire de Mangyongdae et l'école révolutionnaire Kambanso, aux orphelins des crèches, écoles maternelles, primaires et secondaires, et aux convalescents des maisons de retraite de tout le pays, aux enfants de la capitale Pyongyang, des villages reculés au nord, des îles isolées sur la ligne de démarcation militaire.